Salut à toutes et tous la tribu, je suis ravi de vous retrouver pour cette 16e Vampire Fix sur votre radio favorite, comme chaque semaine à la même heure. Ce soir, j'ai encore prévu une prog de malade, punk, rock, rock alternatif, reggae, ska et même du sound system. On commencera cette soirée avec Iron Maiden et le grand classique The Number of the Beast. C'est aussi le titre du troisième album studio sorti le 22 mars 82. C'est le premier album où c'est Bruce Dickinson qui chante et les deux singles sont Run to the Hills et The Number of the Beast. Je diffuserai ensuite Give Me Your Life de Skip the Use, c'est sur l'album Can't Be Late sorti en 2012. On retrouve Ghost et Cup of Coffee entre autres. On s'écoutera ensuite Hubert Félix TFN et son titre Angelus du dernier album de TFN, Stratégie de l'Inespoir, sorti l'année dernière. C'est son 17e album studio et il a été réédité dernièrement et enrichi de 8 titres live. On retrouve Angelus, Fenêtre sur désert, En remontant le fleuve notamment. On s'écoutera ensuite Les Salles Majestés et leur titre Bienvenue. C'est aussi le titre de leur album sorti en 1995. Et on finira ce bloc avec Parabellum et Ain't Get No Mool en live sur l'album Postmortem paru en 1997. Because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams, were they reflections of my walkman staring back at me? Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair. Thank you. tell me a story. She's going mad on faded black. She's rocking every day, cause rock and roll will never die. You know that it's written on my back. Give her a pint of sherry, keep her weed when she's in Paris. She's fucking deep, but she's no deep reality. She's with her life. She's calme des espoirs, de mon bonheur tranquille, et la sérénité de mon joyeux néant. Et je m'en vais ce soir, paisible et silencieux, au bras de la première beauté vierge tombée des cieux. Oui, je m'en vais ce soir, paisible et silencieux, au bras de la première beauté vierge tombée des cieux. Oui, je m'en vais ce soir. Pendant que mes ennemis amnistient leur conscience, que mes anciens amis font tomber leur sentence, les citoyens frigides tremblent dans leur cervelle quand les clochards lucides retournent à leur poubelle. Et je m'en vais ce soir, paisible et silencieux, au bras de la première beauté vierge tombée des cieux. Oui, je m'en vais ce soir, paisible et silencieux, au bras de la première beauté vierge tombée des cieux. Oui, je m'en vais ce soir. Je te salue, Seigneur, du fond de tes abîmes,

Vous écoutez toujours la Vampire Freaks numéro 16, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. On continuera avec Muse et le titre Dead Inside. C'est sur l'album Drones, sorti cette année. Un excellent album. On peut entendre Dead Inside, Merci, Reapers et Defector notamment. Je diffuserai d'autres morceaux de Drones, c'est sûr. J'ai envie de son culte. Tiens, Blue Oyster Cult et Imaginos, du génial album Imaginos, sorti en 1988. C'est le 11e album studio de Blue Oyster Cult. On peut entendre sur cet album Adam, The One You Want Me, Les Invisibles, Astronomy et Blue Oyster Cult. On poursuivra avec un grand classique des Red Hot Chili Peppers, Californication, titre de l'album sorti en 1999, un gros succès cet album, que des tubes, Around the World, Other Side, Road Tripping, et enfin, il travaille sur un nouvel album. On finira ce bloc en live avec Dana Kill et le titre Marley, en live au Cabaret Sauvage en 2009. On retrouve les Chants de Rose, Dialogue de Sourds et Classical Option entre autres. Je voulais vous dire, je tiens à remercier deux personnes originaires d'Antananarivo à Madagascar, qui m'ont soutenu parce que comme j'avais pas trop de retour, je pense arrêter la Vampire Freaks. Mais non, les Malgaches m'ont envoyé du son et promis pour Vanny et Anya la semaine prochaine du Black Mugs. California. station. A teenage bride with a baby inside getting high on information. And buy me a star on a boulevard, it's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. And Cobain, can you hear the spheres singing songs off station to station? And Alderaan's not far away, it's Californication. Born and raised by those who praise control of population. Everybody's been there and I don't mean no vacation. Firstborn unicorn. Je crois dans la musique, à l'importance des textes. Je m'attaque dans

Yeah. Big up. Pour commencer ce bloc, on ira faire un tour au Québec avec Mon Oncle Serge de Montréal. C'est sur l'album Mon Oncle Serge 2015. C'est le dernier album du groupe sorti cette année. On peut entendre Les Séparatistes, Frais très divers, l'excellente chanson Stephen Harper contre l'ex-premier ministre libéral du Québec, Stephen Harper, et ils ont perdu aux dernières élections. Hey, Abba Coupe Couillard! On poursuivra avec Rammstein et le titre America. C'est sur le quatrième album studio du groupe Rise, Rise, Voyage en français, sorti en 2004. On peut entendre sur cet album les plus grands titres de Rammstein, Mein Teil, Kind of Lost, Moscow, On a Dish, entre autres. Je diffuserai ensuite Si Leva Mai La Canción, le dernier titre de Massilia Sound System. C'est sur l'album Massilia, sorti cette année. Et si on s'écoute un vieux reggae, je vous proposerai Meditation des Abyssinians. C'est sur l'album Arise, sorti en 1978. Que des tubes. This Lord is for Everyone, ou Wicked Man et Hey You. Et on finira ce bloc avec les Berruriers Noirs et Lobotomy en live à l'Olympia en 89. C'était le concert d'adieu. Et je voulais vous dire, désolé pour la voix nasillarde, j'ai une bronchite doublée d'une rhinopharyngite, mais bon, comme on dit si bien, Queen et les copains de Soldat Louis, so must go on. Oh. Il annonce d'emblée ses couleurs, rouge chez la copse et brun enveloppe, c'est la coqueluche de tous les boss croches qui crossent, le général fantoche des grosses poches. Les magouilleuses et les escrocs, rassemblés sous la bannière des libéraux, lui passent la hache et lui disent hey, le gros plein de soupe, fais un magnota de toi-même. Oh oui, coupe, vas-y, coupe, couillard. Coupe, couillard. Oh oui, coupe, couillard. Coupe, couillard. Coupe, couillard. Coupe, couillard. Oh oui, coupe, couillard. Coupe, couillard. Comme avec des dents de castor, vas-y, coupe, couillard. Parti, je suis allé au la fleur, j'ai commencé. Un trio hot dog, patates, liqueur. Quand mon snack est arrivé, j'ai capoté rare. C'était le trio Bolduc, Barrette, Couillard. Barrette, c'était la patate graisseuse. Bolduc, c'était la boisson gazeuse. Et Couillard, qu'il faut jamais sous-estimer, c'était le roteux dans un pain stimé. Oh, j'ai tout mangé, même si c'était dégueulasse. J'ai eu des crampes atroces et puis j'ai eu la chiasse. On va tout l'avoir pour 4 années encore. Avec au pouvoir la gang à Couillard. Si à chaîne, fais de la place pour le pipeline. Ménage pas tes efforts, vas-y, coupe couillard. Il est pas supposé avoir de solo là parce que couillard il a coupé les solos. Oh. Toujours là pour le patronat, toujours là pour le Canada. Pour la mafia, toujours plus fort. Vas-y couillard, vas-y coupe couillard. Coupe couillard. Ah ouais, coupe couillard. Coupe couillard. Coupe des abysses, coupe des passes. Dans une coupe de menterie, puis une coupe de crasse. Et ce n'est qu'un départ. Vas-y coupe couillard. Oui, va en avoir encore. Vas-y coupe couillard. und werde uns vor Fehltritt schützen. Und wer nicht tanzen will am Schluss, weiß noch nicht, dass er tanzen muss. Wir bilden einen lieben Reigen. Ich werde euch die Richtung zeigen. Nach Afrika kommt Santa Claus. maladie et son bonheur. Que lorsque la liberté aurait déserté le monde, il resterait toujours un homme pour en rêver. Vous écoutez toujours la Vampire Freaks numéro 16 et l'exclusivité de ce soir, c'est le nouveau Mass Hysteria, Chien de la Casse. C'est sur l'album Matière Noire, sorti le 24 octobre dernier. On poursuivra en New Wave avec New Order et le titre True Face, sorti en 1987. C'est sur la compile Substance. True Face devient vite un grand classique, au même titre que le Boomerang Day, Temptation et Bizarre Triangle Love. On restera en New Wave avec The Cure et Club America. C'est sur l'album Wild Mood du Japanese Whisper, sorti en 1996. Il marque l'entrée dans la quarantaine des membres du groupe. On peut entendre This Is The Lie, Mint Car, Gone et Trésor notamment. On s'écoutera Sorcière de Madame Guillotine. C'est sur le super album Article 35, sorti cette année. Et je adore cet album. Et on finira ce bloc en live avec Janis Joplin et Flower in the Sun. C'est sur le live post-team in concert. On retrouve tous les classiques de Janis. Down on Me, Piece of My Heart et plein d'autres. We'll be right back. pulls me near to the child I lost, replaced by fear. I used to think that the day would never come, that my life would depend on the morning sun. When I was a very small boy, a very small boy was talking to me. Now that we've grown up together, they're afraid of what they see. That's the price that we all pay. What value, destiny comes to nothing. I can't tell you where we're going. I guess there's just no way of knowing. I used to think that the day would never come. I'd see the light in the shade of the morning sun. The morning sun is a drug that brings me near to the child that I lost, replaced by fear. I used to think that the day would never come, that my life would depend on the morning sun. Friends, blue Suzanne's all around. slot. Sensational dancing, perfect response. Such a wonderful cause, living a fabulous life. Shame and humiliating from America. A very special part of the game. And you don't really care what I call you at all. When I can't quite remember your name. And it's not too hard to guess. You're the sticker stars and your canary for the dress. The way you're so carefully thank you. Then she went to the mall. Vous êtes toujours avec Spike Morsen et Slav Empire Fix numéro 16 sur votre radio favorite. On continuera cette soirée avec The Offspring et le titre Walla Walla, c'est sur l'album Americana sorti en 98. Je penserai ensuite Off Band of Zoo de Nina Gunn, ça fait longtemps que j'en ai pas mis, c'est sur l'album Nina Gunn Band sorti en 1978. Un monument cet album, Naturtran, Unbeschreiblich Weiblich et TV Glotzen entre autres. Je diffuserai ensuite Pour les miens du groupe J'aurais voulu. Ils sont originaires de Colmar et j'aimerais bien vous faire découvrir d'autres titres. Ils ont des textes très politiquement engagés et moi j'adore. On poursuivra en reggae avec Tikenja Fakoli et le titre Gauche, Droite, c'est sur l'album L'Africain sorti en 2007. C'est le 8e album studio de Tiken. On peut entendre L'Africain, Ouvrez les frontières en duo avec le rappeur Soprano, Viens voir et plein d'autres. Un magnifique album. Perso, le dernier, Racine, sorti cette année, moi je le trouve pas terrible pour la pub qui en a été faite, beaucoup de reprises et pas spécialement intéressant. Et on finira ce bloc avec Bébé Brune et le titre Le Gang en live, c'est sur l'album Nicotine Live sorti en 2011. On retrouve Dynamite, Nicotine Love et Dis-moi, un super album. Et pour moi, on est tous un peu un gang, ceux qui nous écoutent à la radio, et voilà, c'est un peu pour vous, chers auditeurs. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and... süßes Kind. Dein braunes Haar ist wunderbar. Dein Strapsamstrumpf ist Wahnsinn. Süßes Kind, sag geschwind, wer bist denn du, ey? Süßes Kind, sag geschwind, wer bist denn du? Deine spitzen Lederschuhe, deine zerfetzten Rubberstockings, dein Minirock aus Einkaufsnetz, dein Schlüpper mit der Queen von London drauf, Silver Jubilee. même chose. Gauche, droite, même si d'autres choses. Gauche, droite, pour changer les choses. Gauche, droite, on a notre cause. Et nous pouvons tout, chacun à son tour. Ça fait le tour, ça tourne, ça tourne. Et nous pouvons tout, pendant que le peuple souffre. Nous pouvons tout. Ça fait le tour, ça tourne, ça tourne. Et il se souffre. I say. Gauche, droite, c'est la même chose. Gauche, droite, y'a dit autre chose. Gauche, droite, pour changer les choses. Gauche, droite, c'est la même chose. Et ça recommence, toujours le même récital. C'est comme les chaises musicales. Ils dansent avec nous, et nous on danse avec les loups. Ça fait le tour, ça tourne, ça tourne. Le pouvoir tourne, chacun à son tour. C'est la même chose, gauche, droite, y'a dit autre chose, gauche, droite, pour changer les choses, gauche, droite, c'est la même chose. Ça sera un pas en avant, deux pas en arrière. Ça fait le tour, ça tourne, ça tourne. Le pouvoir tourne, les peuples souffrent. Le pouvoir tourne, il perd son souffle. I say. Gauche, droite, c'est la même chose. Gauche, droite, y'a-t-il d'autres choses. Gauche, droite, pour changer les choses. Gauche, droite, on a notre dose. Gauche, c'est la même chose, gauche, droite, y a-t-il autre chose, gauche, droite, pour changer les choses, gauche, droite, on a notre dose. Avec les gars du gang, avec les gars du gang. Cette 16e Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon, touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi et à la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Je voulais vous remercier pour tous vos messages d'encouragement que vous me laissez sous la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. Certains m'ont dit « Ouais, tu diffuses tout le temps les autres, et pourquoi tu diffuses pas tes chansons ?» Oui, eh bien, je suis animateur radio, mais je suis aussi auteur-interprète de Morchain 43. Donc, ok. Promis, je mettrai un peu plus de Morchain 43. Donc, je finirai cette émission avec Arsenic et Petite Dentelle de Morchain 43. Vous êtes aussi les bienvenus sur la page Facebook Morchain 43. Alors, Morchain 43, M-O-R-S-C-H-E-N 43. Je répète, M-O-R-S-C-H-E-N 43. Bonne soirée à toutes et toutes, la tribu! L'ange comblé déploie ses ailes, froissé sur l'oreiller, tandis que l'homme ruisselle, les onze coups ont sonné, sonné. Arsenic et petite dentelle, telles sont les armes de la belle, cette femme fatale et sensuelle, d'une pâleur inhabituelle. Duelle. Malgré les durs regards, elle demeure sereine, avec sa silhouette hautaine, ainsi qu'une beauté toute païenne, 12 gouttes plus une pour la peine. Pour la peine. Arsenic et petite dentelle, telles sont les armes de la belle, cette femme fatale et sensuelle, une pâleur inhabituelle. Duelle. Admirable sang-froid de la dame, dans cette intrigue à trois, ce qui est déjà un poison en soi, mais c'est elle qui mène le drame, le drame. Arsenic et petite dentelle, telles sont les armes de la belle, cette femme fatale et sensuelle, d'une pâleur inhabituelle. Actuelle. Hésitante, désirable et ingérable, de quoi se mettre la rate au courbouillon, homme perdu, fortuné et exécrable, fais gaffe, tu es le parfait pigeon, pigeon. Arsenic et petite dentelle, telles sont les armes de la belle, cette femme fatale et sensuelle, d'une pâleur inhabituelle. Actuelle. Elle te prendra le cœur et videra ton crâne hydrocéphale, son passe-temps et la rancœur, ce demain ce sera toi qui te fera porter pâle, pâle. Arsenic et petite dentelle, telles sont les armes de la belle, cette femme fatale et sensuelle, d'une pâleur inhabituelle. Actuelle. L'ange comblé déploie ses ailes, froissé sur l'oreiller, tandis que l'homme ruisselle, les onze coups ont sonné.